feu, les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année sur l'antenne de RIG à l'écoute des programmes de RIG et surtout à ce programme de Johnny de A à Z ici sur RIG le mercredi de 22h jusqu'à minuit. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien démarré l'année 2025 et bien moi je vous propose de commencer l'année avec une bonne émission de Johnny de A à Z, une émission de Johnny de A à Z en live. On va retrouver beaucoup de pirates, oui. On va retrouver Johnny Hallyday et quelques émissions de télévision également, des documents rares ou qui sont plus ou moins connus. Donc on va passer 2 heures d'émission agréable pour toutes et pour tous. Et ici, on commençait tout de suite par Johnny Hallyday qui nous fête la bonne année, mais c'était en 1983. Le 1er janvier 1983, l'émission mythique RTL Stop ou Encore, animée par Evelyne Pagès, est exceptionnellement modifiée. Le même artiste est diffusé tant que les auditeurs en redemandent et l'émission dure toute la journée. L'émission débute à 9h avec Johnny Hallyday et quelques 40 titres plus tard, vers midi, alors que le score est toujours largement au-dessus des 50%, Johnny, au téléphone et en direct à l'antenne, demande que l'on arrête, plébiscite, pour laisser la place à d'autres chanteurs. On écoute ça tout de suite et après on va enchaîner avec toute la playlist que je vous ai préparée pour cette fameuse émission de la rentrée, enfin de moins de la nouvelle année. Allô ? Oui monsieur, bonjour. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Ah bon, et moi d'abord, je vous appelle pour vous souhaiter une bonne année. Ah Johnny, mais c'est vous, j'allais vous répondre. Ah bon, moi je suis la Castafiore. Non, mais c'est vrai, c'est Johnny ? Oui. Bonne et heureuse année. Bonne année à tous les auditeurs d'RTL et puis ainsi qu'à vous. Mais merci Johnny. Je vous appelle parce que je crois qu'il faut que je mette le stop là. Parce que c'est passé depuis 9h ce matin. Et puis il y a plein d'autres chanteurs à écouter. Il est midi un quart, vous tenez l'antenne depuis 9h. Je crois que c'est un fait sans précédent dans les annales de la radio. Eh bien écoutez, je crois qu'il y a d'autres chanteurs à écouter maintenant. Ah mais ça, il y en a. Mais vous avez enregistré 300 titres. Alors moi j'étais prête à dire Johnny Hallyday, 297e titre. C'est l'auditeur qui a voté encore et vous avez mobilisé une partie de la France, peut-être 30 ou 35 000 personnes, voilà, qui vous ont adressé ainsi des vœux de bonne année très concrets. Je souhaite à tous une bonne année 83. 1983 et on enchaîne avec Johnny Hallyday au Festival Pop de Palerme le 19 juillet 1970 avec deux titres, Cours plus vite Charlie et Mal. Bonne écoute à toutes et à tous et bonne émission. Nous avons jeté la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Je me demande qui gagnera, épouse ou ma lucée. Comme le Charlie, et tu gagneras, je te retourne pas. Comme le Charlie, et tu gagneras, la paix sera pour toi. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert à les portes de son palais pour recevoir les jolies affaires de mademoiselle de Seine. Comme le Charlie, tu gagneras, je ne retourne pas. Comme le Charlie, tu gagneras. We'll be right back. côtés. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui soufflait sur le dos. Comme le vieux Charlie et tu gagneras, à ne te retourner pas. Comme le vieux Charlie et tu gagneras, mais la paix sera pour toi. La paix sera pour toi. La paix sera pour toi. Ici sur l'antenne de RIG, et ça sera encore, évidemment, avec ce show RTL, le 12 septembre 1967, avec à Charleroi, avec ce titre, Amour d'été. Que je tiens dans mes bras, petit. d'un amour sincère. L'unique fois où on entendait John Hallyday chanter Amour d'été sur scène. Maintenant, on est du côté de Montpellier, le 14 mai 2012. Voici John Hallyday chantant Autoportrait. Je suis là, je suis fort, je suis tout ce que tu veux. Un cador, un prince imprétentieux. Et à l'instant à Montpellier le 14 mai 2012. Il vient de sortir, juste à la fin d'année 2024, un nouveau document sonore sur John Hallyday qui chante une chanson de Elvis Presley. C'est dans l'émission 567, le concept de l'émission musicale 567 qui a rythmé les fins d'après-midi d'Europe 1 de 1972 à 1975 et sans doute l'un des meilleurs jamais vus. Jacques Hourovitch invitait une star de la chanson. Et cette émission a créé de nombreuses étincelles. En 1972, on entend John Hallyday reprendre le tube d'Elvis Presley Heartbreak Hotel. Il y a alors comme une évidence, évidemment, sur l'antenne d'Europe 1, s'il avait déjà chanté Elvis en français, Johnny ne l'avait jamais encore chanté en version originale. Voici tout de suite John Hallyday qui chante Elvis Presley Heartbreak Hotel. Ça date de 1972 et donc c'est dans l'émission 567 de Europe 1. Well, since my baby left me, I'm finding new place. some rooms for broken hearts and lovers to cry their indigo. Man, you be so lonely, baby. Oh, you'll be so lonely. Man, you'll be so lonely. You could die. Well, the melodies keep flowing. The desk clerks dressed in black. They've been so long in lonely street rooms and never a man will come back. Oh, I'll be so lonely, baby. And I'll just be so lonely. Oh, you'll be so lonely, baby. Johnny Hallyday à Vienne le 18 juin 2013, trois jours après son anniversaire, ouais, qui était à Bercy. Le voici chantant Entre mes mains. Combien de capitaines? Et combien de soldats, qu'ils soient de plomb, de bois, sont morts entre mes doigts. Je n'étais qu'un enfant. Connu bien des filles, et puis j'ai connu la fille. J'ai souvent fait l'amour, puis j'ai connu l'amour. Tout paraissait facile. Oh.

Merci 95, je n'avais décherché les anges, je n'avais pas la voix éraillée encore, non du tout du tout. Voici encore un petit tipiac, voici Junaidi à Los Angeles, chantant Loudy Miss Cloudy. C'était le 24 avril 2012. Tipiak dans cette soirée Junaidi AZ spécial live pour ce première émission de l'année 2025. Voici Junaidi qui interprète Suzy Q à Vigno. C'était le 11 mai 1973. Juste avant d'interpréter La fille aux cheveux clairs, qu'on n'écoutera pas bien sûr. Hein. Je sens que ce soir, ça va brûler. Thank you. Maintenant, il va nous raconter l'histoire de la fille aux cheveux clairs qu'on n'entendra pas ce soir, mais on va écouter un peu sa déception, son amour brisé avec le titre « J'ai peur, je t'aime », extrait de ce Port Bacarest du 7 août 1970. Une de ses positions favorites, je crois. Un document européen. C'est dans cette même position, très humble, qu'il enchaîne. Continuez à chanter. Je voudrais vous dire que je suis très avec vous ce soir. Quand je me retrouve avec des amis.

qu'au-delà des terreurs, nous voyons vaincus des sommets, remplis de cristal de lumière, et non pas ces jours de colère, ainsi déchirés par la guerre. Dis-moi ce que j'aurais pu faire. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, sur RIG 90.7 FM, dans l'émission Johnny de A à Z. Là, on se retrouve à Carcassonne le 5 juillet 2017, le dernier concert de Johnny Hallyday. Il interprète Le Pénitencier à Carcassonne. Jamais vos garçons. Thank you. Après ça, on va retrouver un autre Tipiak. Carcassonne était un Tipiak. Merci. Voici beaucoup. Le Tipiak de Québec. Québec, le 3 décembre 1970, avec un titre inédit, jamais vu à ce jour en officiel. Voici Rendez-moi le soleil. Rendez-moi le soleil.

c'est selon. Mais le doute et la folie marchent à tes côtés. Tu ouvres les ouvertures et le souvenir. Avec une voix qui grince comme un talent de t'utiliser. Chaque mot est un mensonge de t'envier à le sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Qui est une croix, ne te sert pas de souvenir. Je parle de rock'n'roll. Moi, je vais rester sûr pendant très longtemps. Sourire de la vengeance sur le lèvre, m'a croisé sur le cœur, qui bat de tout son sang. Je tourne vers l'horizon, d'où sortent les rêves, me dire le lac et l'en songe dans le loin. Nous n'avons plus rien à me dire, je suis plus dur que tu le crois. Le souvenir, pas de rock and roll pour moi. Pas de rock and roll, pas de rock and roll, pas de rock and roll pour moi. Ne va plus rien à me dire, oh non. Pas de rock and roll, pas de rock and roll, pas de rock and roll pour moi. Dernier extrait de Palavas les Flots 1978 avec le titre Elle l'oublie. Est-ce que vous savez au moins que mon ami Coluche passe ici le 16? Alors il faut venir le voir parce qu'il fait partie de la famille. Hein. Je sais qu'il aime bien la chanson que je vais chanter. J'aimerais la dédier à lui et à toutes les jeunes filles qui se trouvent dans cette salle. Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages sur un cours des histoires. Elle oublie, elle oublie, elle oublie. Cheveux blancs serrés dans un chignon mal fait. Elle pense à Dieu, c'est quoi? Le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Elle oublie, elle oublie, elle m'oublie. Elle va venir finir cette bouteille de vin en regardant la table, en me tient dans les mains. Et moi je vais passer la nuit dans le jardin à compter les étoiles, ça ira bien demain. Je lui donne 3 semaines pour tomber amoureuse. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle oublie, fait toute une histoire. Il faudrait bien penser à soigner ce cheval. De la fin de l'été, elle m'oubliait, j'ai mal. Fin de l'émission s'approche. On s'approche à des petits morceaux qui va remuer de plus en plus encore, avec ce, comme par exemple ce I Got a Woman, John Hallyday en Belgique le 26 juin 1975. Day and night, never grumble as a first is, always treat me right, never run in the streets, leaving me alone. She knows a woman place, right there on hill or home. I got a woman, way out of town, good to me, oh yeah. Well, don't you know I got a woman, way out of town, good to me, oh yeah. She's got to help me. She's a kind of woman in me. I got a woman, way out of town. Good to me. You know she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, I got a woman. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, don't you know I got a woman? Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I got a woman? Well, she's all right. Well, I got a woman. I got a woman. I got a woman. I got a woman. You're the cause I got a woman. Way out of town. Ain't she good to me? « Dernier titre de la soirée, John Hallyday qui interprète à la télévision italienne Je suis un arrêt et Watch King Going On au théâtre Odis Rai Uno le 23 avril 1972. Les mains de Chine en Paris, on connaissait mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, je suis né dans la rue comme une nuit d'hommage, ouais. Oh, je suis né dans la rue, ouais. Oh, dans la rue. Un slash of cette émission, Johnny de AZ, le live du le live de janvier 2025, le premier live de l'année 2025. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission et merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2025, mes meilleurs vœux, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny Hallyday. À bientôt toutes et à tous, bonne nuit, ciao ciao.